Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Prenez du charbon de bois, du soufre et du salpêtre. Séparément, broyez-les très finement pendant plusieurs heures. Dosez chacun de vos ingrédients, mélangez le tout de façon homogène, puis faites sécher à basse température. Vous venez d'obtenir une poudre noire hautement explosive. La recette de la poudre à canon. Une étincelle, une flamme, une friction, et voici l'une des armes de guerre les plus redoutables de notre histoire. De cette petite cuisine hasardeuse est née l'une des inventions majeures de l'humanité. On a enfin inventé la poudre, c'est notre trouvaille du jour, une trouvaille combustible. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de l'histoire détonnante de la poudre à canon, nous avons le plaisir d'accueillir en studio, en direct, Valérie Cerdon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes maître de conférences en histoire et archéologie médiévale à l'Université de Lorraine à Nancy. Vous êtes également l'autrice de l'ouvrage « La guerre au Moyen-Âge, engins et techniques de siège » aux éditions Jean-Paul Gisraud. Et nous sommes également en ligne avec Hubert Zante. Hubert Zante, bonjour. Hubert Zante qui n'est pas encore parmi nous. Alors Hubert Zante est vice-président de l'association AF3P, l'association des spécialistes en produits explosifs et pyrotechnie. On va le recevoir dans quelques instants. Merci en tout cas à vous deux, merci Valérie d'inaugurer cette première émission d'Eureka. Tout l'été, de 16h à 17h et à toute heure en podcast, chaque jour, nous allons explorer les histoires de traverse des grandes inventions et découvertes de l'humanité. Mais pour l'heure, nous allons faire parler la poudre. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu chercher la poudre noire. Il m'en serait douté. En Occident, on serait ennemis et il faudrait que je te tue. Ici, on a au moins un but commun. Ah oui, la fameuse poudre noire. Celle qui change l'air en feu. Et qui tue en une fois une douzaine d'hommes. C'est l'arme dont on a toujours rêvé. Mais si c'était qu'un mythe? Des hommes en ont témoigné. Ces hommes-là sont morts. Et c'est nous, les prochains. On n'a ni carte, ni nourriture. Personne rebrousse chemin. On suit notre plan. On prend la poudre noire. Et on rentre chez nous. Bémé des bombes, rampé. Cadeau du ciel, tombé. Près des décombres, compté. Manquer la cible, trompé, tant pis. Radar, vise, appui. Bémé des bombes et les corps s'empilent. Bémé des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile. Ton territoire est à portée de main. Pas d'angle mort, parle à des morts. Bémé des bombes et demain deviens loin. Bémé des bombes et demain deviens. Tu veux que les choses explosent. Tu veux que les choses explosent, hein. Tu veux que les choses explosent. Voici le mot d'ordre. Voici le mot d'ordre. Bémé des bombes, rampé. Cadeau du ciel, tombé. Près des décombres, compté. Manquer la cible, trompé, tant pis. Radar, vise, appui. Bémé des bombes et les corps s'empilent. Bémé des bombes et les corps s'empilent. Raye la carte, lance le missile. Ton territoire est à portée de main. Pas d'angle mort, pas la tes morts. Bémé des bombes et demain devient loin. Bémé des bombes et demain devient. Voilà que les choses explosent. Voilà que les choses explosent. Voilà que les choses explosent. Avec le mot d'ordre. Avec le mot d'ordre. Avec le mot d'ordre. Avec le mot d'ordre, avec le mot d'ordre. Alors on l'entendait dans cet extrait, dans ce morceau, la poudre à canon, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu l'arme miraculeuse, Valérie Cerdon. Oui, tout à fait. En fait, il est convenu de dire que les armes à feu ont révolutionné ce qu'on appelle l'art de la guerre. Mais en fait, son emploi généralisé, son recours dans la guerre au Moyen Âge ne s'est pas fait, s'est fait de façon lente et peu à peu ont contribué à donner aux techniques de combat leur visage moderne. Mais tout ne s'est pas fait rapidement. Le changement a été profond, certes, mais il n'a pas été rapide. Alors, la question essentielle que les historiens se posent depuis très longtemps, c'est justement l'origine de cette poudre. L'origine de cette poutre, je l'ai dit, qui a été utilisée à la guerre, mais qui a eu aussi un usage très important dans les mines à partir notamment du XVIIe siècle. Et j'expliquerai peut-être, si on a le temps, pourquoi c'est aussi tardif. C'est aussi tardif. Oui, ça, on y viendra, parce que le procédé était connu, mais on a dû faire face, les hommes ont dû faire face à un certain nombre d'obstacles pour pouvoir utiliser ce mélange qui était connu. Alors, Sur sur les mines, tout ça, on reviendra un peu plus tard sur cet aspect-là. Uberzon est-il parmi nous? Toujours pas. Mais alors, en tout cas, sur l'histoire des inventions, pour vraiment rester sur cette introduction à la poudre noire, c'est le premier explosif créé par l'être humain, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Alors on a des mentions. Les premières mentions de la poudre apparaissent dans les ouvrages chinois. Je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais les chercheurs s'accordent à dire que cette découverte au XIe siècle, au plus tard, en contexte militaire. Nous avons un traité militaire chinois daté de 1044, et peut-être un peu plus tôt pour les feux d'artifice. Certains spécialistes avancent les dates du VIe, VIIe siècle, mais pas en contexte militaire, simplement pour ces feux d'artifice. Alors, Uberzon est enfin parmi nous. Bonjour Hubert, bienvenue. Bonjour, excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est des airs. Je suis loin dans la campagne et les liaisons sont des... Je vous en prie, bienvenue. Je voulais vous aussi vous faire réagir d'entrée de jeu sur cette idée reçue que la poudre aurait été une révolution militaire. Qu'en dites-vous? Ça crée une révolution après un certain temps, mais au départ, c'était pas l'objectif de la poudre noire. Non. Enfin, de la poudre, c'était, les premières utilisations étaient plutôt ludiques, pour faire du bruit, des pétards, des choses comme ça. Oui. Oui, très bien. Donc, on voit bien que c'est une invention qui s'est perfectionnée au fil des siècles, et on va le voir d'ailleurs tout cet été dans l'émission Eureka, que l'histoire des inventions, c'est le plus souvent une histoire par tâtonnement. Alors, la poudre, jusqu'au 19e siècle, c'est resté le seul et l'unique explosif utilisé. Alors, on va parler tout au long de cette émission de l'itinéraire de cette invention, mais d'abord, un grand retour en arrière à ses origines. La composition du feu grégeois est à peu près connue, mais il y a tellement de recettes que nous sommes fort embarrassés pour choisir entre elles. Cependant, nous allons en prendre une qui date du temps de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, donc entre 359 et 326 avant Jésus-Christ, car Énéas, qui vivait à ce temps, écrit « Pour produire un embrasement qu'on ne pourra éteindre d'aucune manière, prenez de la poix, du soufre, de l'étoupe, des grains d'encens et de ces ratissures de bois gommeux avec lesquelles on prépare les torches. Faites-en des boules, mettez-y le feu et jetez-les contre ce que vous voulez réduire en cendres. La substance brûle avec tant d'ardeur qu'elle fait fondre la chair comme du suif. Après la mort des dragons, le feu grégeois a constitué la clé du pouvoir des Targaryens. Actuellement, le nombre de peaux est de 7811 exactement. Assez pour brûler la flotte de Stannis Baratheon et ses armées d'un seul coup. Le feu grégeois, passez au large! Passez au large! Parmi les premières munitions incendiaires avant la poudre, il y a le fameux feu grégeois dont on entendait à l'instant la description et qui dans la série Game of Thrones apparaît vert, ce qui est peu vraisemblable. Valérie Cerdon, est-ce qu'on peut dire que le feu grégeois c'est un peu l'ancêtre de la poudre à canon? Non, pas du tout. Pas véritablement, parce que ce sont des mélanges incendiaires. Effectivement, mais ces mélanges ne sont pas brisants ni propulsifs. Donc ces mélanges incendiaires sont composés la base, en fait, c'est le naphte. C'est un dérivé du pétrole qui était déjà utilisé en Mésopotamie, que l'on va mélanger avec de l'huile, effectivement, du soufre, de la poix, de la chaux vive. On a dans les recettes antiques aussi de la résine de cyprès pour épaissir le mélange. D'ailleurs, que les Grecs connaissaient déjà et que l'on va développer, que les Byzantins vont utiliser, que les musulmans, à partir de la conquête, vont aussi utiliser. Et c'est ce qu'on appelle le naft, dans le monde arabo-islamique. On a même des mentions de nafatoun, des lanceurs de naft, qui apparaissent dans les sources à partir du 8e siècle, à partir des Abbassides. On lance grâce à des sortes de grenades en terre ou en verre, que l'on retrouve d'ailleurs en nombre sur les sites archéologiques. Mais c'est un mélange visqueux qui va donc s'accrocher aux édifices, aux forteresses, et que l'on va enflammer soit à l'aide d'une mèche, soit à l'aide d'une flèche enflammée. Mais ça n'a rien à voir avec ces mélanges propulsifs de la poudre. Oui, c'est-à-dire que c'est un projectile incendiaire. On n'est pas encore justement dans l'explosion. Ça ne crée pas de gaz violemment créé et relâché. Le premier mélange explosif, vous l'avez évoqué, c'est né dans la Chine médiévale. Tout à fait. Le premier mélange, oui, est né en Chine. On sait qu'a priori, ce sont les alchimistes chinois qui auraient fait cette découverte, de façon d'ailleurs assez hasardeuse. Oui, alors on savait que les trois éléments que vous avez cités en début d'émission créaient une explosion. Le tout, c'est de les doser très savamment. Parce que le mélange est très peu stable, donc il est dangereux. Et il faut qu'il soit aussi très pur. Les éléments, la pureté des éléments rentre en ligne de compte. Donc on maîtrisait pas ces paramètres. Le savoir était seulement empirique. Et donc on a mis en Occident pratiquement 2 siècles à équilibrer le dosage très fin de ces éléments. Donc c'est un problème, effectivement. Alors au départ, la poudre n'est pas inventée pour faire la guerre. Au départ, la poudre n'est pas inventée pour faire la guerre, effectivement. On lance, comme l'a expliqué votre second invité, pour des fusées, pour des feux d'artifice, mais pas pour propulser des projectiles, quels qu'ils soient. On parle aussi de justement dans cette Chine médiévale, on parle aussi d'usage thérapeutique, c'est-à-dire que les alchimistes s'intéressent au salpêtre pour des raisons médicinales. Oui. Alors là, c'est quelque chose que je maîtrise un petit peu moins, mais effectivement, il y a une application médicale à la poudre noire, et donc ce sont vraiment les toutes premières utilisations. Avant que l'on imagine de s'en servir pour son pouvoir létal, en fait, et pour propulser. On a des mentions au XIIIe pour la Chine de tubes de bambou qui s'apparenteraient renforcés, avec des renforts qui s'apparenteraient à des canons, avant les fameux canons en bronze que la Chine a connus au milieu du XIVe siècle. On en a des exemples très bien conservés, mais le développement en Chine va s'arrêter là, alors que l'Occident va transformer cette découverte et accomplir des progrès considérables. On voit qu'en Chine, on a mis au point les premiers canons, mais qu'ils ne vont pas connaître un développement considérable. Et ça s'explique relativement bien, parce qu'une telle découverte entraîne des changements très durables dans l'économie, dans les structures sociales et dans la fiscalité des États. J'expliquerai peut-être un petit peu plus tard que la poudre a décuplé le coût de la guerre au Moyen-Âge. Vraiment, c'est vraiment une innovation qui a impliqué énormément de moyens mis en œuvre de la part des princes, de la part des souverains, pour pouvoir faire fonctionner cette découverte. Oui, c'est assez étonnant. En cherchant un élixir de vie éternelle, les alchimistes ont créé un puissant instrument de mort. Hubert Zant, ce sera donc bien plus tard qu'on utilisera la poudre pour l'artillerie, c'est ça? Comme l'a souligné notre autre Valérie Sardon, oui. les Chinois, semble-t-il, ont commencé à utiliser des roseaux, pas des bambous avec des charges au 11e siècle probablement. En Europe, c'est arrivé plutôt fin du 13e, enfin donc vers 1300. Et bien sûr, on connaît bien les bombardes de Crécy qu'on apprend dans tous les livres d'histoire. Bon, même si elles n'ont pas joué un rôle très important, parce qu'il y avait trois bombardes qui devaient tirer un coup tous les trois ou quatre minutes au maximum. Mais après, c'est sûr que ça a pris une importance beaucoup plus importante à partir de 1450. C'était vraiment très très plus répandu. C'est ça. Très répandu, enfin surtout pour les attaquer les forts, pour démolir les murailles, parce que en infanterie c'était quand même assez peu efficace compte tenu du temps de rechargement des armes. L'arc avait encore de très belles utilisations, l'arbalète aussi, pendant la guerre de Cent Ans, dans les batailles d'infanterie. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Alors, vous évoquez la guerre de Cent Ans, mais revenons encore hein, justement sur cette Chine. Hein, depuis la Chine que cette technologie de la poudre brune se répand chez d'autres nations, et dans le monde arabo-perse, au 8e ou 9e siècle, on retrouve la trace de ces mélanges d'explosifs, Valérie Sardon. Oui, en fait, comme en Chine, le problème pour les historiens, c'est que les traités militaires sont compilés, c'est-à-dire qu'on se sert d'écrits antérieurs, on compile les savoirs et on a du mal à dater les innovations. Et c'est la même chose en Chine, c'est la même chose en Occident et c'est à peu près la même chose en Orient, au Proche-Orient, puisqu'on a des traités militaires, mais qui reprennent des originaux grecs. On a du mal à dater ces innovations de la poudre. On n'est pas certain que cette poudre était utilisée au Proche-Orient dès le début du XIVe siècle. En tout cas, pour ses propriétés fusantes, hein, pour ses propriétés explosives, le feu grégeois était, et ça s'est établi par tous les chroniqueurs, était utilisé très largement. Mais contrairement à d'autres armes, c'est vrai que pour la charpenterie militaire, comme le fameux trébuchet à contrepoids, on sait très bien que ce sont les Turcs seldjoukides au XIe siècle qui sont les véritables passeurs des techniques extrêmes orientales. Et je reprends un mot de Thierry Bianchi, un des grands spécialistes du Proche-Orient. Pour le trébuchet, on sait très bien que cette innovation est passée de l'Extrême-Orient via les Turcs qui se sont installés au Proche-Orient au XIe siècle et qui ont permis aux Francs de développer des modèles dans l'artillerie traditionnelle. Le terme d'artillerie ne prend son sens actuel que sous le règne de Louis XI, donc à la fin de la guerre de Cent Ans. Donc quand on parle d'artillerie, c'est l'artillerie traditionnelle, c'est la charpenterie militaire. Alors, mais pour la poudre, on manque encore de sources, de recherches. Voilà, on le lit très souvent, mais on a peu de preuves finalement. Et c'est voilà, des origines contestées, débattues auprès des historiens. Mais tout à fait. Parce que la légende raconte aussi que ce serait Marco Polo, encore lui, qui aurait ramené en Europe la poudre de son voyage en Asie, mais sans la recette. Sans la recette. Qu'est-ce qu'il y a, commandant? Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Vous ne l'arrêterez pas avec des fusils. Tout de même trouver un moyen. Apportez les deux urnes de bronze qui sont dans la tour. tout le pétrole que vous pourrez, quelques caisses de poudre noire et toutes les bouteilles de champagne vides que vous trouverez. Enlevez les sacs de sable. Eh bien, où sont les bouteilles et la poudre noire? Envoyez par ici. Maintenant, avec une petite prière et beaucoup de chance. La poudre était chinoise. Mais les Chinois ne l'utilisaient que pour les feux d'artifice. La poudre à canon est arabe. Sa formule figure dans un de leurs auteurs du XIIe siècle. C'est au siège d'Algésiras, en 1342, que les Anglais, qui servaient dans l'armée espagnole, virent pour la première fois un canon. Celui de Crécy vient de là, et, par voie de conséquence, nos armes les plus modernes, autrement meurtrières. Une réaction, Valérie Sardou? Oui, tout à fait. Non, ce ne sont pas les armes qui circulent. Effectivement, ce sont peut-être les procédés et les artisans, mais absolument pas les armes. Surtout les premiers canons, comme l'a dit Hubert Zant, hein, très difficile maniabilité, une efficacité discutable, un coût très très élevé. Donc les premières mentions révèlent le peu de curiosité suscitée par cette innovation et insistent davantage sur l'effet de surprise et comme l'a dit votre second invité, plus sur l'effet de surprise, le bruit, hein, que sur la puissance meurtrière. Ce n'est qu'au bout d'un bon siècle en fait de mise au point de recherche au niveau du mélange de la poudre mais aussi de la manière dont on va fabriquer les canons, d'abord en fonte de fer assez rudimentaire, et ensuite on va passer au véritable canon en bronze que l'on va connaître encore à l'époque moderne. Alors pour revenir sur la création de cette petite recette qu'est la poudre, en Europe, justement dans l'Europe du XIIIe siècle, j'ai aussi lu le nom de Roger Bacon, l'alchimiste et philosophe anglais. Tout à fait. À qui justement on a parfois attribué l'invention de la poudre à canon. Tout à fait. Il y a deux sources. En fait, il existe deux sources. Roger Bacon, qui présente justement le mélange tel qu'on le connaît, avec à peu près les pourcentages qu'on a définis au Moyen-Âge. Les chercheurs ont eu d'ailleurs pas mal de mal à déchiffrer, hein, parce que c'était sous forme d'anagramme écrit en latin. En fait... Effectivement, c'est le mélange de la poudre, mais sûrement pour un usage, pour les fusées, c'est pas forcément un mélange destiné à propulser. Il n'a pas été pensé en fait pour propulser des projectiles. Et l'autre source, c'est Marc le Grec, hein, Marcus Grecus. Et en fait, on pense que c'est un nom d'emprunt et qu'il s'agit en fait d'une compilation de plusieurs auteurs de traités antiques. Et on connaissait dans l'Antiquité vraisemblablement déjà un mélange détonnant, mais peut-être aussi à l'usage de pétards ou de fusées, hein, pas forcément pour un usage militaire. En tout cas, en usage militaire, Roger Bacon, en 1267, hein, dans Opus Majus, écrit « En prenant une petite quantité de cette matière, la poudre, comme une pincée, on produit un formidable bruit, une lumière éblouissante, et cela, on l'obtient de bien des manières, on pourrait par là détruire des villes et des armées. » En 1267, c'est plutôt visionnaire tout de même. Oui. Tout à fait. Mais alors, en tout cas, la première utilisation de la poudre sur les champs de bataille en France, Valérie Sardon, ce oui. Premier coup de canon. Oui, tout à fait. Alors à Crécy, tous les historiens ne sont pas d'accord, hein, sur Crécy. Certains prétendent que la poudre a été utilisée. La bataille d'autres, de Crécy en 1346. Que la poudre a été utilisée à Crécy. Philippe Contamine, un des meilleurs spécialistes de la guerre au Moyen Âge. Et circonspect, puisque c'est un auteur italien, un auteur de seconde main, hein, qui témoigne de l'usage de la poudre à Crécy. Mais en revanche, c'est très plausible. Pourquoi c'est très plausible? Parce qu'on sait, par des sources tout à fait certaines, qu'on l'a utilisé lors de plusieurs sièges, à Tournai en 1340 ou à Calais à la même date, 1346, avec une efficacité sans doute encore très limitée. Mais effectivement, Dans un premier temps, cette arme un peu pesante, difficilement maniable, encore dangereuse, on la positionnait devant les places fortes, devant les forteresses. Mais pour les batailles rangées, hein, il fallait pouvoir les déplacer sur des longues distances, et c'était beaucoup moins pratique. On l'a d'abord utilisé, et j'insiste là-dessus, en appui. Et Monsieur Zant l'a très bien expliqué tout à l'heure, en appui aux armes traditionnelles. Il a parlé de l'arc de l'arbalète. Il faut évoquer aussi tout ce qui relève de la charpenterie militaire, les fameux trébuchets, les espringales, les balistes, hein, sur châssis, toutes ces armes de position sur châssis qui sont utilisées soit pour la défense de forteresse, soit pour l'assaut. Voilà, en appui, vraiment, c'est pas une arme qui va remplacer les autres, mais on voit que très progressivement, tout se fait, hein, progressivement, va prendre le pas, cette nouvelle arme va prendre le pas sur des armes plus traditionnelles. Mais en tout cas, sur cette bataille de Crécy en 1346, hein, on est sous le règne de Philippe VI de Valois face à l'Angleterre au tout début de la guerre des Cent Ans, et c'est une victoire écrasante de l'Angleterre, hein, n'est-ce pas, Hubert Zant? Là, on peut pas dire autre chose, effectivement. Il y a eu d'autres victoires anglaises qui ne devaient pas grand-chose au canon non plus. Je pense que l'armée anglaise à l'époque était beaucoup mieux structurée que l'armée française, si on pouvait parler d'armée française, mais qui était essentiellement de la cavalerie et qui n'était pas forcément adaptée aux méthodes de combat qu'avaient les Anglais avec des archers et autres. Hein. Valérie Sardou. Oui, c'est très intéressant ce que dit Monsieur Zant, parce que effectivement, il ne faut pas avoir une vision, avoir une vision de la technique de cette arme miracle qui permettrait de remporter une victoire ou d'avoir une supériorité sur l'adversaire. C'est évidemment un ensemble, et cet armement, cette artillerie à poudre commence à être particulièrement efficace quand toutes les structures de l'armée d'abord et de toute la société vont être repensées, que véritablement elle va gagner en efficacité. Et c'est-à-dire qu'au départ, la poudre à canon, c'est presque une histoire qui fait pchit. Est-ce qu'on peut rappeler comment au XIVe siècle, les chroniqueurs du XIVe siècle regardent cette technologie-là? Oui, alors je parlais d'une espèce de suspicion vis-à-vis de ces premiers canons. On déplore, son efficacité discutable. On insiste sur le bruit, hein, la dangerosité. Certains chroniqueurs rapportent d'ailleurs des accidents, hein, soit dans les officines quand on met au point la poudre, soit sur les théâtres d'opération. On a des exemples, hein, d'accidents très célèbres qui sont intervenus donc lors de l'usage de ces canons. Elle a cet détracteur, hein, cette nouvelle arme, et donc elle est finalement et son coût surtout. Alors le coût des canons, mais de la poudre qui reste très chère jusqu'au milieu du XIVe. Les coûts, hein, de la guerre vont être très très importants. Il faut pouvoir se procurer ces matières premières qui deviennent des éléments de la stratégie. Hein. On les conserve dans des arsenaux, dans des parcs d'artillerie. Il faut les conserver dans des conditions très spécifiques. Et il faut s'assurer d'un approvisionnement, effectivement, en continu. Et c'est Hubert Zant, hein, par rapport justement à l'arrivée de la poudre en France. Par rapport à l'arrivée de la poudre en France, il y a aussi un des soucis techniques, c'est que les dosages ne sont pas bons. On n'a pas de solution technique à ce moment-là. Disons que la formule de la poudre, il y a pas une poudre, il y a tout un tas de poudres, et à un moment donné, il y en avait pratiquement autant que de fabricants, c'est-à-dire quelques dizaines, voire quelques centaines en France. C'était vraiment des petits artisans qui fabriquaient ça. avec les moyens du bord. La sélection des charbons qui jouent un rôle important était difficile à faire, leur carbonisation. Et surtout, la récolte du salpêtre était un problème très difficile à résoudre. Ensuite, il y avait à purifier le salpêtre qui demandait aussi un tour de main assez spécial. Et ce qui fait que les poudres, elles pouvaient être très mauvaises dans certains cas. Enfin, c'était difficile d'avoir des prévisions de performance. Ce qui fait que l'efficacité réelle sur le terrain pouvait varier beaucoup d'un moment à l'autre. Alors, autre souci technique que vous avez évoqué, Valérie Sardou, c'est que les canons, à l'époque, au XIVe siècle, ne sont pas résistants à la puissance du feu. Oui, alors on n'a pas toujours privilégié, justement, la puissance de feu, une poudre forcément très efficace, parce que il fallait que, justement, les canons puissent résister à la pression. Hein. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les premiers canons étaient donc en fer forgé. On forgeait des bandes longitudinales. Et ces canons étaient renforcés par des bandes comme des douelles de tonneaux. Pour pouvoir résister à la pression. Ce sont les tout premiers canons. On a encore quelques exemplaires conservés, notamment, il y en a un à Nancy, au musée de l'armée aussi. Ils sont d'ailleurs ils ont été réétudiés très récemment par deux conservateurs, hein, Sylvie Leluc et Antoine Leduc, hein, qui ont publié un très beau volume sur ces tout premiers canons. Donc on les connaît un petit peu mieux aujourd'hui. Et pendant très longtemps, on a cru que c'était des faux 19e, on s'est aperçu que c'était véritablement des canons médiévaux, parce que maintenant on étudie la matière, hein, en laboratoire, on peut comprendre comment étaient forgés ces tout premiers canons. On parle de pour les premiers canons, alors ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on a voulu conjuguer. C'est dans la pensée humaine et dans l'histoire des techniques, c'est passionnant comme question. On a voulu concilier ce nouveau procédé de la poudre et continuer à utiliser ce qui relevait de l'armement traditionnel. Donc, dans un premier temps, on n'a pas pensé expulser des boulets, mais tout simplement des flèches. Les premiers canons, on en a des représentations. On a deux mentions, hein, pour les débuts des tout premiers canons, dans une ordonnance à Florence en 1326 et dans une représentation contemporaine anglaise dans un manuscrit dédié donc à Édouard III. Et sur ce manuscrit, on voit très très bien un canon en forme de vase qui dans lequel on mettait la poudre par l'avant, par la bouche, hein, du canon, et qui permettait d'expulser ces fameuses flèches, qui s'apparentaient plus à des javelots qu'à des flèches, mais voilà, c'est une forme transitionnelle, en fait, du boulet, premier quoi, oui. Canon, voilà. Alors l'autre inconvénient aussi, hein, les canons pèsent des tonnes, hein, c'est un canon très lourd, où il faut 10 chevaux pour déplacer un canon. Oui, ça c'est, dans un second temps, on va mettre au point ce qu'on appelle les bombardes. Hein, parce que ces fameuses bombardes, certaines sont conservées aujourd'hui, donc on estime très bien leur poids, qui pèsent entre 10 et 15 tonnes, donc c'est absolument considérable. Et il fallait jusqu'à, 15-20 chevaux pour tirer une seule bombarde. Donc, en plus d'un personnel spécialisé, de canonniers, d'être canonniers pour fabriquer ces canons, d'artisans pour fabriquer la poudre, eh bien, il a fallu donc recruter des pionniers, hein, pour aménager effectivement les routes, des charretiers. On a des mentions très très nombreuses dans les sources, hein, dans les documents comptables au Moyen-Âge, de ces charretiers qui réparent les chariots, parce que évidemment sur les routes un peu cabossées, pour traîner ces énormes bombardes, donc ça posait des problèmes techniques pratiquement insurmontables. Et on a quand même réussi à faire baisser justement le poids des canons en mettant au point un nouveau procédé de fonte en bronze de ces canons, selon le même procédé que les cloches. Hein. C'est parfois même les mêmes artisans qui fondaient les cloches, qui faisaient les moules et les canons. Alors Hubert Zonte, pour revenir sur la poudre à canon, est-ce qu'on peut aussi rappeler, hein, les très très nombreux inconvénients de la poudre à ses débuts? Bah, comme j'ai dit, il n'y avait pas une très grande maîtrise de l'utilisation. C'est un produit qui est dangereux, qui est difficile à transporter, qui craint beaucoup l'humidité, donc qui se détériore très rapidement si on le conserve pas correctement. Tout ça fait que les conditions d'utilisation n'étaient pas faciles, certainement. Et son défaut principal qui s'enflamme même trop facilement, hein, c'est ce qu'on disait. Ça s'enflamme très facilement à la flamme, à l'étincelle, au choc un peu moins, mais ça peut aussi. Puis dès qu'il y a un feu à côté, ça part très très vite. Donc comme on utilisait quand même beaucoup des flambeaux, d'autres éléments pour mettre à feu, ou simplement pour la mise à feu, il fallait bien une flamme pour approcher de la bouche pour mettre à feu la poudre. Enfin, tout ça, c'était des causes d'avoir beaucoup d'accidents, mais tant pendant la fabrication que pendant le transport, le stockage et l'utilisation. En plus, comme les canons ne résistaient pas très bien, il y avait certainement aussi beaucoup de dégâts, d'éclatements de canons qui faisaient beaucoup de dégâts autour de ça. C'est sûr. Un doigt de poudre dans un dé à coudre, et voilà la foudre qui naît. Va te faire absoudre, va te faire dissoudre, va te faire recoudre le portrait. Est-ce que le soleil n'est pas assez brûlant comme ça? Ah, alors pourquoi en avoir fait un autre qui d'un coup brûlera? Ton père, ta mère, tes frères et toi et moi, et tous les amoureux seront changés en cendres bleues grâce à Dieu. Et mon Dieu, crois-tu qu'avec une simple guitare et des poèmes, tu empêcheras qu'un jour éclate ce pétard? Tout gris, tout noir, tout cri et tout cauchemar, ce sera le grand spectacle, sang et lumière pour tes beaux yeux. Un doigt d'eau lourde au fond d'une gourde, et voilà la foudre qui naît. Va te faire assoudre, va te faire dissoudre, va te faire recoudre le portrait. Ça fera un de ces 14 juillet, papa. Et déjà jamais plus au bas des rues, tu n'en reverras des comme ça. Car dès juillet, des rues, il y en aura plus. Tu feras danser ta femme ou ce qu'il en reste dans les yeux. Grâce à Dieu. Un doigt de poudre dans un dé à coudre, et voilà la foudre, c'était la bombe, une pépite psychédélique de Stéphane Varghez. Il est 16h37 sur France Culture et vous écoutez Eureka. Nous parlons aujourd'hui de l'invention de la poudre. Oui, nous l'avons bien inventée, la poudre noire. Avec nos deux invités du jour, Valérie Cerdon, maître de conférence en histoire et archéologie médiévale à l'Université de Lorraine à Nancy, et Hubert Zante, vice-président de l'association AF3P, l'association des spécialistes en produits explosifs et en pyrotechnie. Alors, Hubert Zante, je voulais savoir techniquement, sans entrer dans des équations chimiques, ce mélange qui est constitué de soufre, de salpêtre, c'est-à-dire de nitrate de potassium et de charbon de bois, qu'est-ce qui rend ce mélange proprement explosif? Bien, le nitrate de potassium est un oxydant qui, combiné avec un produit combustible comme le soufre ou le charbon, crée un dégagement de chaleur et de gaz de combustion. Et dans le cas de la poudre noire, le mélange très intime des trois constituants, qu'on pulvérise d'abord avant de les agglomérer, fait que ce dégagement de cette combustion est très très vive, ce qui produit donc un effet d'explosion avec des gaz très chauds qui se dégagent. Alors si c'est dans un canon, ces gaz vont pousser un obus, enfin ou un boulet. Si c'est dans une fusée, comme c'était très utilisé déjà depuis l'an 1000, hein, les fusées étaient connues aussi. Là, on met la poudre dans un tube de carton avec un trou, on allume, mais c'est propulsé. Donc, c'est les deux, à l'époque, les deux utilisations principales de la poudre noire. Une autre qui est venue un peu après, c'est que si on enferme bien donc de la poudre noire, si on la comprime dans un trou dans un rocher, par exemple, ou dans une cloche, ça a été utilisé, ça, des cloches qu'on collait contre les portes des châteaux forts. Et si on met le feu, ça fait une explosion qui casse la porte ou qui casse les murs. Voilà, c'est les trois principes d'utilisation principaux de la poudre. Et c'est que la poudre à canon est un explosif à effet soufflant. Est-ce qu'on peut préciser un peu ce que ça signifie plus précisément, Hubert Zant? Alors, ce qu'il y a, c'est que la poudre ne produit pas une détonation à proprement parler. Elle produit des gaz très rapidement, mais pas ce qu'on appelle en termes techniques une détonation, qui est un type de réaction où, dans le milieu qui explose, la réaction ne se produit pas de la même façon. Elle se produit encore beaucoup plus rapidement que dans la poudre noire. La poudre noire, ça va brûler à, disons, 200 mètres par seconde. Les explosifs qu'on utilise de nos jours, ils ont des vitesses de détonation de 5 à 8 000 mètres par seconde, ce qui est beaucoup plus élevé, ce qui fait des effets beaucoup plus violents pour casser dans un obus, par exemple. Si on met un explosif comme le TNT, il va faire beaucoup plus d'éclats et beaucoup plus rapide que si on met de la poudre noire. Alors, quelle est la différence avec un explosif à effet soufflant, tel que la poudre à canon, avec les explosifs à effet brisant? Oui, c'est essentiellement dans la vitesse de réaction qui est beaucoup plus élevée. C'est la chaîne de réaction chimique qui... Ouais, c'est le mode de transmission de la réaction est différent. Dans une poudre comme la poudre noire, c'est une combustion qui se transmet... essentiellement les gaz qui passent d'un grain à l'autre et qui brûlent. Dans le cas d'un explosif détonant, c'est une onde de choc qui se produit et qui se propage et qui, au fur et à mesure, transmet la détonation. Et la vitesse de transmission est beaucoup plus élevée dans ce cas-là. Alors pendant longtemps, hein, on n'a pas compris pourquoi la poudre était explosive. Hein. C'est des recettes, des mélanges incendiaires ont été trouvés par empirisme. On ne comprend pas du tout leur propriétés physico-chimiques, hein, c'est ça, Valérie? Oui, tout à fait. Tout ça se fait en... Tout à fait. On procède par tâtonnement, en fait, hein, pour avoir le meilleur dosage et pour l'adapter, surtout, encore une fois, au canon que l'on a pu confectionner. C'est-à-dire qu'il faut pas que cette poudre soit trop performante au risque de briser le canon et d'être en fait contre-productive et de retourner contre les utilisateurs. Effectivement. Donc tout est une question de dosage et tout en tentant de bien sûr de contrôler les chaînes d'approvisionnement, hein, parce que c'est quand même un domaine très stratégique. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Alors Valérie Sardou, hein, on l'évoquait à l'instant, comment cette technologie, hein, de la poudre noire a radicalement changé la façon de mener un combat? En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'abord dans les techniques de siège qu'elle va être utilisée, cette poudre à canon. Les effets ne se font pas sentir tout de suite, donc au bout de quelques décennies, on met au point de meilleurs mélanges, les canons sont améliorés. À partir de 1360, hein, il y a une rupture avec ces fameux canons 1460, pardon, pas 1360. 1460, ces fameux canons en bronze. Et là, c'est vraiment la guerre prend un visage moderne. Hein, ça annonce déjà la guerre moderne, puisqu'on va pouvoir transporter beaucoup plus facilement ces canons. Alors ça s'accompagne aussi d'un changement profond dans la structuration des armées, avec l'infanterie qui gagne en importance. Et là vraiment on est au milieu du 15e, on est vraiment à une période là de changement très important. Oui, c'est-à-dire que ça permet aussi de réduire le nombre de combattants, hein, c'est bien ça? Oui, oui et non, c'est-à-dire que le nombre de combattants, certes, a pu être réduit au cas par cas, mais il faut, et ça c'est une nouveauté avec l'utilisation de l'artillerie à poudre sur les champs de bataille, il faut penser que les non-combattants, c'est-à-dire tout le personnel de logistique, d'accompagnement, tous les artisans, eh bien, doublent pratiquement les effectifs des armées en campagne. Donc, ce sont des artisans, certains d'ailleurs qu'on fait venir à grands frais, hein, les cours princières, les rois, les souverains font venir des maîtres canonniers très réputés et se les attachent pour pouvoir en disposer, hein, pour avoir les meilleurs artisans à leur service. Hubert Zant, justement sur la poudre à canon, cette bouche de feu, vous l'évoquiez hein, tout à l'heure sur les attaques de forteresses et les sièges, on parle aussi de la méthode de la sape. Qu'est-ce que c'est précisément? Ben, la sape, ça consiste à creuser un trou, un tunnel, jusque sous les murs qu'on veut détruire. On va placer des tonneaux de poudre au bout et puis on met à feu en essayant de s'éloigner assez vite pour pas être victime de l'explosion. Ça conduit d'ailleurs à l'invention de mèches lentes qui permettent de se mettre à une certaine distance pour allumer la poudre. Et donc l'explosion des tonneaux de poudre dans un milieu assez fermé comme un tunnel produit un fort effet de destruction au-dessus. Voilà. Et puis, alors il y avait les sapes, les contre-sapes. Ça, c'est une guerre souterraine presque. Oui, oui, oui. Alors... Ça, qui a connu son apogée, c'était pendant la guerre de 14, hein, avec les tranchées. Oui. Là, c'était vraiment très, très courant d'avoir des sapes, des contre-sapes, des gens qui écoutaient si les adversaires creusaient, etc. Des appareils spéciaux pour écouter le bruit des adversaires. Valérie Sardou, vous voulez réagir? Oui, non, tout à fait. Les techniques de sape et de mine sont utilisées dès l'Antiquité. Mais effectivement, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que on cherchait à faire écrouler les pans de murailles en minant en dessous des murs, des fondations, hein, des enceintes. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est l'usage effectivement de la poudre qui va amplifier évidemment le phénomène. Et en regard, bien sûr, toute l'architecture va évoluer parce qu'on va tenter de parer l'efficacité nouvelle de l'attaque, hein, de ces fameux canons qui vont être positionnés en batterie. Un seul canon est très peu efficace si on en met 10, si on en met 20. Et on arrive à faire brèche dans la muraille. Et donc, en miroir, la fortification va évoluer. D'abord, on change la physionomie des châteaux ou des villes, c'est-à-dire des enceintes des villes, au cas par cas. Et ensuite, on va totalement repenser la fortification pour pouvoir accueillir les canons en son sein et pouvoir parer justement l'efficacité de ces canons. Alors autre révolution, hein, que celle architecturale, il y a aussi qu'il a fallu organiser, hein, de façon plus générale la fabrication, hein, des matières premières, hein, du salpêtre, de la poudre. Enfin comment tout à fait. Tout ça a réorganisé aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que ce sont les villes en fait qui deviennent les centres de stockage, hein, de redistribution, de consommation de ces matières premières. J'ai évoqué tout à l'heure les fameux parcs d'artillerie, des arsenaux dans les centres des villes les plus importantes. Donc ça a nécessité une comptabilité de la part des États, de la part des villes importantes, comptabilité que l'on a en partie conservée. Donc on a effectivement souvent la mention des matières premières commandées, le coût, les noms des fabricants parfois, et la manière dont on les stockait à l'intérieur des arsenaux. Et donc, effectivement, ça a suscité aussi des progrès. Alors, on a mention dès le Moyen-Âge de ces fameux moulins à poudre. Ce sont des meules, hein, comme les moulins à grains pour faire la farine, mues par la force hydraulique, mais on broyait très finement les éléments qui constituaient la poudre, notamment le charbon de bois, très finement broyé. Alors quand on parle de poudre brune, de poudre à canon, forcément on pense guerre, mais la poudre n'a pas fait que de percer la poitrine des hommes. La poudre à canon, terrible instrument au point de vue des guerres, fut le plus puissant facteur du progrès en temps de paix, puisqu'elle a permis, sous forme de poudre, de mine, d'explorer le sein de la terre, où se trouvent des nouveaux et très utiles minerais. Elle a permis aussi d'ouvrir de nouvelles voies de communication, de percer les montagnes, établissant ainsi des liens d'amitié entre les divers pays, dans l'intérêt commun de leurs habitants, emportant les bienfaits de la civilisation dans les endroits les plus lointains, au-delà des barrières élevées par la nature. Dans ce texte de 1909, Les explosifs et leur fabrication, Rodolfo Molina évoque un facteur de progrès en temps de paix, de la poudre à canon. Hubert Zante, la poudre n'a pas été précieuse que pour la guerre. À partir de quand elle devient utile en France dans le génie civil? Alors, on n'a pas de date extrêmement sûre sur les différents événements. Ce qu'on sait, c'est que dès le 15e siècle, il y avait déjà beaucoup de poudre qui était utilisée pour la chasse, pour les artifices, que vers la fin du XVIe, il y a eu quelques cas d'utilisation pour démolir des murs civils, enfin, pour récupérer des pierres, etc., pour effectivement déblayer des passages pour des routes, et pour les mines. La première vraie attestation d'utilisation de poudre noire dans une mine, c'est en 1617 aux mines du Thiot dans les Vosges. Ce qu'on sait également, c'est que à cette époque-là, vers sous le règne de Louis XIII, la part d'utilisation de la poudre noire était d'environ 80% pour la chasse, les artifices et les mines et autres, et de moins de 20% pour la guerre. Ce qui fait que, comme en plus elle se vendait plus cher pour les utilisations civiles que n'était prêt à payer le roi pour ses armées, à différents moments, il n'avait plus assez d'approvisionnement pour ses fusils et ses canons. Ce qui a amené de nouvelles réglementations sur la fabrication et la vente de ces produits, de la poudre noire. Valérie Sardou. Oui, c'était un produit hautement stratégique. Donc, effectivement, on l'a réservé aussi pour la guerre, hein, en premier lieu. C'est très intéressant, les mines du Thiot, en fait, ce sont les mines de cuivre des ducs de Lorraine, hein, au Thiot, dans les Vosges. Et donc, il y a C'est au terme d'une campagne d'études qui a été menée par Francis Pierre, donc un collègue et ami, qui a obtenu ces résultats grâce à une approche archéologique combinée avec l'analyse des documents d'archives qui évoquent justement dans ce domaine minier lorrain des achats de poudre. Et effectivement, c'est la première attestation en Europe en 1617, comme l'a dit votre invité. Donc c'est vraiment important, alors jusqu'à preuve du contraire, parce que peut-être qu'on va découvrir de nouvelles archives dans d'autres mines qui attesteront l'usage de la poudre avant cette date. Mais pardon, excusez-moi. Pardon. Oui, non, mais les difficultés sont les mêmes que pour les mines, hein, sous les tunnels creusés sous les fortifications, c'est-à-dire que on l'a utilisé tardivement. D'abord pour des raisons stratégiques, on la cantonnait au domaine militaire, peut-être, mais c'est surtout la difficulté d'élaborer un procédé de mise en œuvre efficace sous terre. Ça pose d'autres problèmes. Mais alors, je voudrais faire intervenir à nouveau Hubert Zonte, hein, sur les apports parallèles à la poudre. Est-ce qu'on peut rappeler aussi les connaissances acquises grâce à la poudre à canon et aux études sur ce produit, Hubert Zonte ? Bien, avant tout, il y a eu des études pour améliorer la qualité, comprendre comment ça fonctionnait, et donc des études de chimie, enfin d'alchimie d'abord, puis de chimie au XVIIIe siècle, avec notamment Lavoisier qui a beaucoup travaillé sur la question. Dans d'autres domaines, il y a eu également des travaux qui ont été menés. Alors, on a évoqué tout à l'heure la tenue des canons. Il y a eu beaucoup de recherches métallurgiques pour améliorer leur tenue, et ça a duré au moins jusqu'à la guerre de 1870. En 1830, on avait trouvé des poudres qui étaient plus puissantes que les poudres anciennes, mais elles ont été refusées par l'armée parce que les canons ne tenaient pas le coup. Dans le domaine de calculs mathématiques pour déterminer les trajectoires des boulets puis des obus. Dans le domaine de l'instrumentation, il y a eu beaucoup de travaux aussi sur des matériels pour mesurer les pressions, mesurer les vitesses, des chronomètres très rapides, etc. Mais ça a continué jusqu'à nos jours, je dirais, hein, sur les retombées parallèles d'un nouveau produit dont on veut améliorer les performances, et ça, on est amené à faire des études dans d'autres domaines pour concourir effectivement à ces améliorations. Ouais, sur l'héritage de la poudre. Et malheureusement, le temps file comme une traînée de poudre et on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Valérie Cerdon, merci Hubert Zonte, merci à tous les deux d'avoir lancé le premier coup de canon de cette émission. On se quitte sur Bob Gunn du groupe Parliament, c'est notre générique de fin. Merci à toute l'équipe d'Eureka, Anne Toscane-Judès, Éléonore Pérez, Mariam Ibrahim, Antonin Amberger, Nicolas Berger à la réalisation et Dalia Aya à la technique. Alors toute la semaine, on continue d'explorer les histoires des grandes inventions et découvertes de l'humanité. Demain, nous parlerons d'une innovation tout aussi explosive que celle de la poudre à canon. Nous parlerons de l'invention du slip, demain à 16h. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer. France Culture. L'esprit d'ouverture.